Bonjour, je m'appelle Eric Cooper et chaque semaine j'arrive dans votre radio avec beaucoup de bonheur pour vous présenter La Croisière Folk, cette émission qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. Je voudrais vous rappeler que nous avons une page Facebook, n'hésitez pas à la liker, cette page Facebook, elle s'appelle La Croisière Folk, ce qui est normal me direz-vous, ça aurait été embêtant d'avoir un autre nom que le nom de l'émission. Hello, we have a Facebook page, so if you live in UK, in America, in Canada, you can like also the page of this program called La Croisière Folk. I'm pleased to be with you every week. Voilà, ça j'ai un petit peu parlé à notre public international puisque c'est vrai que ça fait la joie d'Internet, on peut parler un petit peu tout le monde. On a commencé cette émission avec Sideline, c'est un groupe de bluegrass, ils ont sorti un nouvel album le 17 septembre qui s'appelle Ups, Down and No Name Towns et on écoutait Newton Grove, c'est un sextet de bluegrass, Newton Grove, oui parce que s'il y avait un O c'est Grove. Décidément ça commence bien, pourtant je vous assure que je n'ai pris que du café avant de commencer cette émission. On va poursuivre avec un groupe composé de monsieur et madame. Ils font la musique et d'autres choses probablement aussi. En couple, c'est Maggie et Shane, The Imaginaries, avec Geronimo, c'est leur album éponyme. Ensuite, il y aura de l'allemand avec Uchenwald et Ronde, extrait de Liederbusch, leur album de 88. C'est un groupe de folk rock allemand qui a été créé au printemps 70, au printemps 70, donc à Hambourg. Et ensuite, on partira en Espagne avec le groupe Espieglo et on écoutera Dolor Fu Ma Compañero, extrait de Cortes de Amor, l'album de 2017. Dolor Fu Mi Compañero, ça veut dire la douleur était mon compagnon. Alors pour d'avoir un petit peu plus d'infos sur Espieglo, eh bien c'est un duo né en 1999, c'est deux chanteurs de la région de la Castille-La Mancha, José Ignacio Cordero et Pedro Chaparro. Ils ont décidé de collaborer pour mettre en musique des poèmes d'écrivains de la région. Allez, tout de suite, on poursuit avec cette... on démarre la programmation musicale avec The Imaginaries et Geronimo. Ah, dingue. There's nothing left to do but fight. So hold on to your faith. We're gonna make it through tonight. The silence surrounds the stillness of sound. It's the calm before. Makes it hard to believe. With courage comes triumph, so do not fear the enemy. It's time to decide, it's all in your mind. If you can see it, you've already won. Shout Geronimo, run straight into the flames, your own hero. A lion can't be tamed, remember Jericho. The walls cannot sustain undefeated. partió ayer mi alma, que tuve yo un caballero, y quiero que el mundo entero escuche cómo le amaba. Yo fui la que se engañaba, no di mi amor al que quiero. Dolor fue mi compañero, en mis pasos y en mi cama. Quisiera mi caballero tener desnudo en mis brazos, su luna serán mis labios, su almohada seré en su lecho, que todo mi amor le entrego, mi vida, mi ser, mis ojos, y si esto fuera poco, el corazón sin miedo. Amigo agradable y bueno, serás algún día mío, te haré en mis noches sitio, mis besos serán tus sueños. No sabes cuánto deseo tenerte en vez de al marido, por ver si yo así consigo que me hagas lo que más quiero. Dans la croisière folk, c'était Espiègle, Dolor fue ma compañero. Je ne sais pas si vous venez d'Espagne, mais sachez que si vous avez envie de nous écrire, tiens, j'ai oublié, j'ai ouvert une adresse mail qui s'appelle lacroisièrefolk@yahoo.com. Donc si vous avez envie peut-être de nous envoyer un petit mot, de nous envoyer des infos sur vous êtes un artiste folk, eh bien n'hésitez pas, lacroisièrefolk@yahoo.com. You can write to us, I have now an email address, lacroisièrefolk@yahoo.com. So if you are an artist and you want to be featured in this program, lacroisièrefolk@yahoo.com. Et donc voilà, ça vous permettra de m'écrire un petit mot, peut-être de m'envoyer des photos de vous occupé à écouter cette émission. Et je vous propose tout de suite de passer à la chronique 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moi j'aime. Pour la chronique aujourd'hui, eh bien, je suis très heureux de vous présenter le tout nouvel album du groupe de Bluegrass de Balsam Range, Moxie and Metal. L'album sortira le 24 septembre. Alors, c'est un groupe extraordinaire. En fait, je l'ai découvert grâce à cette émission. C'est en cherchant des groupes à diffuser que je suis tombé sur Balsam Range il y a déjà quelques années. Et que vraiment, moi, j'étais waouh. Si un jour ils viennent en concert, eh bien, franchement, j'irai les voir. Alors, le groupe Balsam Platinum Range est composé de Buddy Melton, de Darren Nicholson, du Dr. Mark Pruett, de Dick Surrett et de Caleb Smith. Ces cinq membres sont des membres originaux, hein, ils n'ont pas encore beaucoup changé. C'est tous des musiciens acoustiques et des chanteurs qui viennent de l'ouest de la Californie. Alors, depuis leur formation en 2007, le groupe a remporté 13 prix IBMA. Même avec ce succès, même avec les prix qu'ils ont, le succès qu'ils ont, Balsam Range, pour ce qui compte le plus pour eux, c'est la chanson, c'est le message, c'est le son distinctif hein, qu'ils offrent lors des concerts. Alors, ils sont bien sûr connus, il est difficile de les catégoriser, mais ils sont restés, voilà, ils aiment toujours cette musique et ils sont restés tels qu'ils étaient lorsqu'ils ont démarré en 2017. Alors, quand vous pensez à avoir cerné le groupe, eh bien, sachez qu'à chaque album, ils vous surprennent. Et c'est encore vrai avec cet album Moxie and Metal que je vais vous faire découvrir. Trois morceaux, Santa Barbara, Highway Side et Tatsy 9. Dingue. Well, I'm tired of looking at you, knowing I'm the reason you're crying. And I'm tired of looking at me, knowing I'm the reason we're broke. I'm tired of picking the guitar up and putting pen to paper and lying. I think I'll start a fire, burn up every song I ever wrote. Sometimes I get to thinking somebody ought to just knock me down. Sometimes I get to feeling that all I do is just run my mouth. Santa Barbara, in a house the size of the Taj Mahal. Bills landing on the counter, and I'm tired of the sound of bottles hidden, bottles in the trash. I'm tired of the sound of me telling you things are gonna get better, and I'm tired of the sound of me kicking my own. Oh, sometimes I get to thinking somebody ought to just knock me down. Sometimes I get the feeling all I do is just run my mouth. And if I had a dollar for every bit of trouble that I've caused, we'd be living in Santa Barbara in a house the size of the Taj Mahal. Just run my mouth. And if I had a dollar for every bit of trouble that I've caused, we'd be living in Santa Barbara in a house the size of the Taj Mahal. We'd be living in Santa Barbara in a house the size of the Taj Mahal. G job that's such a chore. Pants a man looks a lot like me. He surely got a hard luck story. I wonder how did he get there? As I see him in the rearview mirror, well, something tells me he and I are the same. Walking on a thin white line, watching all the cars go by, hoping for a northbound ride down on the highway side. Hitchhiking Route 24, gotta wish I knew what's in store. Passer man looks a lot like me, except he's on Easy Street. I wonder how did he get there? As I see him in his rearview mirror, well, something tells me he and I are the same. Walking on a thin white line, watching all the cars go by, hoping for a northbound ride down on the highway line, watching all the cars go by, hoping for a northbound ride down on the highway. Walking on a thin white line, watching all the cars go by, hoping for a northbound ride down on the highway. Walking on a thin white line, watching all the cars go by, hoping for a northbound ride down on the highway side. love, hearts that fit like a glove. needs it, that's a no. Leur album sera dans les bacs le 24 septembre. Le nouvel album du groupe de Bluegrass Balsam Range, Moxie and Metal. C'est extraordinaire. Franchement, j'ai eu l'occasion de l'écouter. Je vous en ai fait découvrir trois morceaux. Santa Barbara, Highway Side et Tatsy 9. Et je vous dis, moi, c'est vraiment grâce à ce groupe. Enfin, je les ai découverts en faisant ma programmation, en cherchant des groupes pour l'émission. Et je suis devenu un fan. Voilà, comme quoi, ils ont des fans un petit peu partout. N'hésitez pas, hein, je vous rappelle donc la croisière folle, katiaou.com. Si vous avez envie de faire des commentaires aussi, parce que il y a peut-être des choses que, voilà, j'ai dit qui n'étaient pas correctes ou vous avez des précisions, ou bien vous avez envie de dire que vous adorez l'émission, ou bien n'importe quoi, hein, vous avez envie de me faire un cadeau, eh bien n'hésitez pas bien sûr à me le faire savoir. Tiens, connaissez-vous François Sarano ? Eh bien François Sarano est docteur en océanographie, il a travaillé avec le commandant Cousteau pendant 13 ans, il a nagé avec le grand requin blanc et le dangereux crocodile des mers australiens, et il étudie depuis des années le cachalot. Alors, j'ai Anne B, qui est une collègue qui fait aussi des podcasts, qui l'a interviewé pour son podcast dans Storylifique. C'est un chouette podcast, en fait. Grâce à ce podcast, elle récolte de l'argent pour des causes écologiques. Donc, Story, hein, et Lifique, en un mot. Storylific.com. Et je vous propose peut-être d'écouter un extrait de cette interview que vous pouvez trouver en entier sur www.storylifique.com. Vous nagez entre ces menhirs, ils savent que vous êtes là, mais ils vous acceptent. Des animaux sauvages. Et puis après ça, ils nous ont accueillis, même quand les mamans ou les nounous allaient les petits. Et on voit les petits tétés juste à côté, c'est juste... C'est formidable. Oui, c'est bouleversant. Oui. C'est bouleversant. Donc, petit à petit, ben, on a commencé à découvrir des choses, à comprendre des choses qu'on ne pouvait pas comprendre autrement. On s'est aperçu que chacun avait une personnalité qui lui était propre. Et surtout, les jeunes, parce que c'est extraordinaire avec les jeunes, on les voit grandir. Et petit à petit, on voit que chacun, en grandissant, devient... différent de son camarade. Il y a des affinités qui se lient, qui se nouent. C'est comme chez nous. C'est comme chez nous, les humains. Et puis, tout d'un coup, on découvre que les petites histoires entre chacun, les petites anecdotes et tout, font la grande histoire de ce clan qui est 17 femelles adultes et 11 jeunes aujourd'hui, le clan d'Irène Gueule Tordue. D'accord. Donc, vous étudiez aussi un peu le langage. J'ai d'ailleurs une question de notre petite fille par rapport au langage des cachalots. Est-ce que tu comprends les cachalots ? Est-ce que je comprends les cachalots ? Je vais avoir une réponse un peu longue. Personne ne comprendra jamais les cachalots. Ils vivent dans un monde qui est trop différent du nôtre. Ils ont des sens, des systèmes de perception très, très, très différents des nôtres. Ils utilisent en particulier un système de perception, vision de l'environnement qui est l'écolocalisation, qui est le premier sens qu'ils ont. Et puis, ils ont des... entre guillemets, des objectifs de vie qui sont si différents des nôtres que c'est un autre monde. Voilà donc l'interview de François Sarano, docteur en océanographie. Vous pouvez la retrouver sur www.storylifique.com. Et tout de suite, le vent du Nord avec les amants du Saint-Laurent, plat titulaire de l'album de 2004, Dans le Shed avec Naufragé, et puis un groupe de folk qui nous vient des Pays-Bas, Chimera avec Gestolen Lente, Printemps volé. C'est un album qui aborde le thème de l'enfance maltraitée. L'album date de 2016. Yeah.

Chimera, que Stolen Lent. Eh bien, eux, voilà, c'est un. Je vous parlais de mon adresse mail, lacroisièrefolk@yahoo.com. Eh bien, c'est grâce à cette adresse mail que j'ai eu un contact avec les membres de ce groupe. Ils m'ont envoyé l'album et ça me permet de les diffuser, de vous les faire connaître. Donc, que Stolen Lent, l'album de 2016 de ce groupe hollandais. Tiens, on va partir en Chine. Enfin, pas vraiment. On va parler d'acupuncture. J'ai eu le bonheur d'interviewer le docteur Lin Wei, qui habite à Bruxelles et qui est acupunctrice. Elle est originaire de Chine et je vous propose d'écouter un extrait de son interview. Acupuncture, ça vient de médecine traditionnelle chinoise. Ça vient de la philosophie taoïsme. En général, on dit dans l'univers, par exemple, notre corps, il y a l'énergie yin et l'énergie yang. Quand les deux énergies, l'énergie en équilibre, on est bien. Mais on n'est pas toujours 100% parfaitement en équilibre. L'acupuncture, on utilise les aiguilles qui vont insérer dans certains points dans notre corps pour soit équilibrer les deux énergies. Souvent, en énergie trop bas ou en l'autre énergie trop haut, hein, on va soit booster, soit diminuer sur tous les points acupunctures dans notre corps. Est-ce que c'est douloureux? Parce que c'est vrai, quand on voit parfois à la télévision un reportage sur l'acupuncture, il a plusieurs aiguilles dans le corps, le patient. Moi, je n'ai jamais fait de l'acupuncture. J'aime pas les piqûres, par exemple. Est-ce que c'est douloureux? Je pense non. Je n'aime pas piquer non plus à moi, mais non plus. Mais c'est tout petit. En fait, ce sont tout petits aiguilles. Hein? Juste ce moment, l'aiguille entre votre corps. Bien sûr, vous sensez, mais après c'est bon, ça va. Vous êtes juste relax, écoutez musique, après 30 minutes, le traitement c'est fini, c'est bon. Si vous avez envie d'écouter l'interview en entier, vous allez sur la plateforme Les Interviews d'Eric Cooper. Je suis un petit peu partout, hein, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Mixcloud aussi. Donc vous tapez sur Google Les Interviews d'Eric Cooper. Et donc Lin Wei, c'est notre acupunctrice préférée. Vous allez voir, elle dit plein de choses intéressantes. Donc si vous hésitez un petit peu peut-être à aller voir un acupuncteur, écoutez d'abord cette interview de Lin Wei dans Les Interviews d'Eric Cooper. My Sisong, ils se sont mis à trois pour chanter cette chanson. Didier Squiban, Bernard Le Dréau et Jérôme Kerriuel. My Sisong. Ensuite, Brewer et Shipley avec Fly Fly Fly. Extrait de leur album Rural Space en 72. Alors c'est un album, c'est un duo pardon, de folk rock américain qui a connu son apogée à la fin des années 60 et dans les années 70. Il était composé, hein, ce duo, de Mike Brewer et Tom Shipley. Alors ils étaient surtout connus pour leur jeu de guitare et leurs paroles étaient à caractère social. Ils reflétaient les préoccupations de leur génération, notamment la guerre du Vietnam et les luttes pour la liberté personnelle et politique. Ah non, ici je n'ai que des pâtes normales, du sucre normal, du riz normal. Ça va peut-être vous paraître anormal, mais ici on ne sert que des gens normaux. always have to sit between a fat lady and a soldier on a plane. Next time I go to San Francisco, I'm gonna ride a train. My seat back's busted and the overhead lamp, it ain't working no more. Fat lady got nothing to say, and the soldier just talks about the war. Lord, Lord, Lord, you know I just ain't got nothing to do. Hey, you! Ça y est, c'est fini. À l'instant, Brewer et Shipley, Fly, Fly, Fly, l'album Rural Space de 72. N'hésitez pas, si vous aimez, mettez la main dessus et achetez-le. Et on va se quitter avec un groupe belge, c'est un trio qui s'appelle Green Moon. Et le morceau extrait de leur album de 2017, l'album s'appelle Tito Alba, ce qui veut dire chouette et fraye. Et ça s'appelle Made in Saint-Josse. Alors Saint-Josse, c'est quoi? Eh bien, vous savez qu'à Bruxelles, il y a 19 communes et Saint-Josse est l'une de ces 19 communes. C'est un chouette morceau que je vais vous faire découvrir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook et que vous pouvez m'écrire aussi. C'est surtout les artistes ou ceux qui organisent des concerts qui ont envie que gratuitement, eh bien, j'en fasse part aux auditeurs. Donc ça s'appelle La Croisière Folk en un mot, @yahoo.com. We have a Facebook page called La Croisière Folk. Don't hesitate to like the page. And if you want to write to me, I have an email address. I'm laughing because my cat is watching me. My email address is lacroisierefolk@yahoo.com. Alors, comme je viens de le dire, il y a mon chat qui me regarde. Il me dit, tu as l'air bizarre. Ben, moi, je pense la même chose de toi. Donc, on a ce côté un peu... On se comprend, mon chat et moi. Mon chat s'appelle Mistral. Tiens, si ça vous intéresse, un jour, je posterai une photo de mon chat sur la page Facebook de cette émission. Allez, Green Moon, Made in Saint-Josse. On se retrouve la semaine prochaine. Que la force soit avec vous. Et puis, merci à vous d'être fidèles à cette émission. Et à très bientôt. I'll be back. Thank you.